sommes ici réunis pour vous faire accéder tous deux au grade suivant de notre sainte confrérie. Mais avant cela, vous devez abandonner vos péchés de jeunesse et prêter le serment du cactus ventriloque. Cela est juste et bon. Alors, répétez après moi, je ne boirai plus de sang humain. Je ne boirai plus de sang humain. Je ne violerai plus de petits garçons. Je n'égorgerai plus les jeunes filles. Voulez-vous bien répéter la formule sacrée, jeunes impudents? Je n'égorgerai plus les jeunes filles. Je ne t'alasirai plus de vieilles dames. Je ne t'alasirai plus de vieilles dames. Jurez-le. Jurez-le. La formule du sacrement, imbécile. Par la gloire du grand gousier, je vous sacre pour les siècles et les siècles, commandeur du mouton qui broute.